Le séminaire au niveau central pour s'imprégner des espoirs révolutionnaires du grand dirigeant Kim Jong-il et soutenir fidèlement la direction de la révolution du Sungun du maréchal Kim Jong-un s'est déroulé le 13 au Palais de la Culture du Peuple à Pyongyang. Y ont pris part Kim Gi-nam et les cadres et personnels des organismes du parti et de l'administration et des organisations des travailleurs du niveau central au municipal de Pyongyang, des organes des forces armées, des établissements des sciences, de l'enseignement, de la littérature et des arts, de la presse écrite et parlée, de la formation des cadres du parti et du secteur chargé des hauts faits révolutionnaires. On y a publié des dissertations sur les espoirs révolutionnaires du grand dirigeant Kim Jong-il accompli pour la cause révolutionnaire du Tse, l'éminent leadership du maréchal Kim Jong-un qui continue brillamment les idées et causes des grands leaders, ainsi que les tâches et moyens pour anticiper la victoire finale de l'éducation d'une puissance socialiste sous la bannière du kumilsonisme-kimjongnisme.